Exemple. Il a déjà mangé une choucroute? Non, il n'a jamais mangé ce plat. A. Il connaît Monsieur Baumard? Non, il ne connaît pas cet homme. B. Elle a déjà mangé un macaron? Non, elle n'a jamais mangé ce gâteau. C. Ils ont déjà regardé la tour de Babel? Non, ils n'ont jamais regardé ce film. D. Il parle arabe? Non, il ne parle pas cette langue. E. Elles ont écouté le CD de Yannick Noah? Non, elles n'ont pas écouté cet album. F. Elle étudie l'histoire de l'art? Non, elle n'étudie pas cette matière. G. Il a visité l'Arc de Triomphe? Non, il n'a pas visité ce monument. H. Ils ont acheté la bague? Non, ils n'ont pas acheté ce bijou.